La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'économie est-elle une science ? Nous sommes en 1930. Albert Einstein voit depuis Berlin, où il habite, les ravages provoqués par la crise économique et il s'en inquiète. Il écrit « Si quelque raison peut pousser un profane en sciences économiques tel que moi à donner courageusement son opinion sur les difficultés économiques angoissantes de notre époque, c'est assurément la confusion désespérante des diagnostics établis par les spécialistes. » Et oui, Einstein aimait mettre les pieds dans le plat. Il poursuit « Ma réflexion n'est pas originale et ne représente que la conviction d'un homme indépendant et honnête qui désire ardemment et exclusivement le bien de l'humanité et une organisation plus harmonieuse de l'existence humaine. » Un peu plus loin dans ce même texte, il propose donc de diminuer la durée du temps de travail, de limiter légalement le prix des marchandises qui, à cause des monopoles et des cartels, se dérobent de fait aux lois de la libre concurrence. En somme, au lendemain de la crise de 1929, le père de la relativité demande que la puissance étatique mette en place une régulation garantissant les possibilités d'une concurrence équitable. Il y a là sans doute une sorte de contradiction, mais la question que je voudrais poser aujourd'hui est celle-ci. L'économie est-elle si peu une science que chacun puisse donner son avis à son sujet, y compris les physiciens ? Ou est-elle au contraire le lieu d'une causerie savante réservée aux seuls spécialistes ? Dans ce dernier cas, l'économie relève-t-elle des sciences humaines ou constitue-t-elle une science un peu plus dure que les sciences humaines ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Daniel Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur du département d'économie de l'École normale supérieure. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment « La prospérité du vice », « Homo economicus » et plus récemment « Le monde est clos et le désir infini ». Alors, vous êtes le premier économiste invité à la conversation scientifique. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose. Bien sûr. Avant, je n'osais pas, je ne comprends pas toujours ce que disent les économistes. Mais pendant les vacances, j'ai repris des forces mentales. Et surtout, j'ai lu vos livres qui sont intelligibles et ils m'ont donné l'audace qui me manquait. Donc, bienvenue à la conversation scientifique. Et ma première question, Daniel Cohen, va porter sur le fait qu'en économie, il existe des paradoxes. Et j'ai l'impression que c'est plutôt bon signe pour considérer, sinon que l'économie est une science, du moins qu'il y a de la science dans l'économie. Cela montre qu'il y a des lois qui peuvent être contredites par des faits qui obligent à adapter ces lois, à les corriger, à réinterpréter les faits. Bref, qu'il y a une espèce de raison scientifique en acte dans l'activité des économistes. Et par exemple, dans votre livre, vous parlez du paradoxe d'Esterlin, c'est le nom d'un économiste, Richard Esterlin. Qui était-il et en quoi consiste ce paradoxe ? Alors, d'abord, merci de votre accueil. Et deuxièmement, oui, tout à fait, les économistes adorent les paradoxes. Ce qui nourrit leur réflexion, c'est justement comme quand le bon sens ne fonctionne pas. On s'attend à ce que ceci produise cela. Pas de chance, ça marche pas comme ça. Et c'est ça qui nourrit leur curiosité et qui, en effet, comme vous l'aviez très bien dit, leur permet d'essayer de comprendre des lois cachées qui, à notre insu, font que A entraîne B et non pas C comme prévu. Alors, il y en a beaucoup de paradoxes, et encore une fois, c'est ça qui nourrit la curiosité des économistes. Le paradoxe d'Easterlin, c'est d'une certaine manière le paradoxe le plus simple à comprendre. Ce que Easterlin a tout simplement essayé de mesurer, c'est la corrélation qui existe entre le niveau de richesse d'une société donnée et le niveau de bonheur, de bien-être, tel qu'on peut le mesurer à travers différentes enquêtes. Et ce deuxième point fait partie de la question scientifique, de la mesure. Est-ce qu'on est sûr qu'on peut mesurer le bien-être à partir d'enquêtes ? Et l'un des grands enjeux de cette recherche, ça a été de démontrer que oui, on peut mesurer le bien-être à partir d'enquêtes, à condition de bien s'y prendre. Et Il y a toutes sortes de tests qui ont été faits. Par exemple, lorsque les gens se disent malheureux, tout simplement, la probabilité qu'ils se suicident est beaucoup plus forte que pour les autres. Quand un couple est malheureux, la probabilité qu'ils divorcent est plus forte, et ainsi de suite. Bref, on a pu vérifier qu'il y avait derrière ces mesures quelque chose de vrai, de solide, qui se mesure. Et donc, le paradoxe d'Easterlin, c'est que il n'y a pas de corrélation entre le niveau de richesse et le niveau de bien-être d'une société. Ce qui veut dire que toute la science économique est habitée par l'idée qu'il faut augmenter la richesse, la croissance. Enfin, les premiers ouvrages, ceux d'Adam Smith et d'autres, c'était justement étudier la richesse parce que on pensait bien qu'était dans cette richesse la quête des sociétés. Eh bien, cette quête est vaine, d'après Easterlin. C'est-à-dire que si on multiplie tous les salaires par deux, voilà, ça ne change pas la qualité de bien-être. La qualité du bien-être, telle qu'elle s'exprime. S'exprime dans les différentes mesures. Et donc ça crée un programme de recherche. C'est-à-dire, pourquoi ? Et je trouve plus intéressant que la question, c'est la manière dont on y répond. Et bon en gros, la littérature a convergé sur deux explications, ne sont pas exactement de même nature, mais que peut-être dans un méta-saveur, il faudrait réconcilier. L'une est toute bête, c'est de dire qu'on s'habitue à tout, ce que les psychologues appellent l'habituation, qui est peut-être lié à un certain nombre de qualités d'Homo sapiens. Homo sapiens s'habitue à tous ses environnements et n'est attentif qu'aux écarts, aux variations. Même chose pour la richesse. On est dans un état de richesse donnée, eh bien, on s'y habitue et le plaisir initial d'avoir des gadgets différents finit par lasser et au fond, on revient au point de départ. La deuxième explication, beaucoup plus intéressante sociologiquement, c'est que les besoins sont toujours relatifs, c'est toujours relativement aux autres qu'on se dit heureux, riche ou pauvre, et donc, forcément, quand une société dans son ensemble s'enrichit, que le voisin s'enrichit autant que moi-même, il n'y a aucun effet net, je n'ai parce pas gagné du terrain. Parce que le point de référence se déplace lui-même. Le point de référence qui sont mes proches s'est déplacé aussi, et donc au bout du compte, l'écart ne s'est pas modifié. Donc ce qui m'embête, vous dites, ce n'est pas ma pauvreté, c'est la richesse de monsieur et de madame Jones, voilà. Mes voisins. Voilà, c'est si les Jones, pour prendre une expression d'un économiste lui-même célèbre, qui s'appelle James Disenberry, qui avait un peu anticipé tout ça, si les Jones s'enrichissent, soit j'arrive à suivre, très bien, je les dépasse, encore mieux, mais si je perds du terrain, tout en restant moi-même aussi riche que je pouvais être avant, je deviens malheureux. La pauvreté. Donc là, on a un cas où il y a une observation surprenante qu'on essaie ensuite d'interpréter par des raisons sociologiques ou autres, comme vous venez de le faire. Alors, j'ai parlé là des paradoxes qui sont quand même un symptôme de la scientificité d'une activité assez souvent. Mais en économie, il y a aussi des effets. Comme il y en a en physique, d'ailleurs, en physique, on en a beaucoup. Il y a l'effet Casimir, l'effet Cherenkov, l'effet Hall, l'effet Larsen, l'effet Meissner et beaucoup d'autres. Alors, vous avez beaucoup d'effets d'après ce que j'ai pu lire dans vos livres, notamment un qui s'appelle l'effet Pavarotti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, l'effet Pavarotti, c'est encore une autre métaphore qui est très utile pour comprendre le fait que dans une société de communication comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, où le coût de la transmission, de la reproduction des œuvres originales ne coûte pas cher, alors, pour reprendre une formule en anglais, the winner, Pavarotti, takes all, c'est-à-dire le meilleur l'emporte sur les autres. Lorsqu'on est dans un monde, on va dire, pré-moderne, sur les scènes de théâtre, il y a besoin d'acteurs, d'autant d'acteurs que de scènes de théâtre, et donc il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où il y a la télévision, à partir du moment où on peut enregistrer les meilleurs chanteurs, on n'achète que le disque de celui qui est le meilleur. Il n'y a aucune raison d'acheter le numéro 2. C'est aussi un effet best-seller, pour reprendre une formule de mes amis et collègues Françoise Benamou. Le premier écrase absolument la concurrence. Et le problème du monde contemporain, c'est que ce qui était réservé un peu aux industries culturelles depuis longtemps déjà, est en train de se généraliser. Avec Internet, vous pouvez avoir accès au jugement, à l'appréciation du meilleur de tous et il tend à écraser les autres. C'est une des explications de la montée des inégalités phénoménales aux États-Unis et ailleurs dans le monde, qui a été documentée là encore par de très grands économistes comme Thomas Piketty. Une des explications possibles, c'est que si vous êtes le premier à une petite encablure du deuxième, vous écrasez le deuxième, puisqu'il n'y a pas de place pour lui, vous prenez absolument toute la place. Par exemple, cet été, on n'a pas parlé beaucoup de musique, mais on a beaucoup parlé de football, pas du jeu, mais des transferts. Est-ce que, en tant qu'économiste, vous comprenez cette inflation des montants des transferts ? Je veux le meilleur dans mon stade, c'est tout. Je suis prêt à payer tout ce qu'il faut pour l'avoir. Et d'une certaine manière, vous voyez, la montée des droits télévisuels qui fait que beaucoup de gens peuvent voir des grands matchs de foot dans le monde entier, ça crée de la richesse. Et on a un effet de paradoxe, si vous voulez. Cette richesse va où ? Eh bien, cette richesse va à celui qui reste le chaînon rare de cette chaîne de valeur, le joueur. Et donc, d'une certaine manière, toute cette richesse liée à la multiplication des chaînes de télévision, enfin tout ce grand progrès que sont la réduction des coûts de communication, va dans les poches d'un seul, celui qui peut monnayer au plus juste sa contribution à cette chaîne de valeur, le joueur de foot. Alors cet effet Pavarotti ou effet Neymar, on peut l'appeler aussi comme ça, ouais, c'est ça, qui est une sorte de logique. Est-ce que cette logique, le fait qu'elle ait lieu, qu'elle soit active dans le football, est-ce que ça a une conséquence sur le salaire des gens qui travaillent dans les entreprises? Est-ce que ça a une conséquence sur l'économie générale de nos sociétés? Oui, je pense que c'est ça la nouveauté du monde post-industriel dans lequel on est. C'est exactement ça. Il y a eu avant, on avait avant une société industrielle dans laquelle chaque entreprise ressemblait un peu à ces pièces de théâtre dont je parlais, ces scènes de théâtre du Moyen-Âge où il y avait un acteur par scène et au fond une forme de péréquation des revenus et des bénéfices. Il y avait évidemment un petit avantage à celui qui était meilleur parce qu'il attirait sans doute un peu plus de foule, mais pas significativement plus que celui qui était dans un autre bled et qui pouvait jouer devant son public. De même, la société industrielle était une société très, très pyramidale dans laquelle il y avait un ingénieur, des ouvriers, tout le monde faisait partie, même ensemble, et au fond, chacun avait un destin lié l'un à l'autre, ce qui faisait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'inégalités tout au long du XXe siècle, en dépit de l'augmentation des richesses qui s'est produite au cours de ce siècle. Aujourd'hui, tous les éléments sont modulables, et celui qui est le meilleur peut se mettre aux enchères pour tirer toute la rente, toute la valeur que sa contribution peut produire, à condition de pouvoir mettre les autres en enchères. Et en effet, les chefs d'entreprise se sont dissociés de cette chaîne de valeur ancienne qu'on pouvait avoir dans la société industrielle, se sont mis aux enchères. Et si un chef d'entreprise peut générer 0,0, et le chiffre que je vous dis est un chiffre qui a été calculé, 0,001% de valeur en plus pour l'entreprise, eh bien, il va le réclamer pour lui-même. 0,001% de 100 milliards, ça fait à peu près les ordres de grandeur que reçoivent les chefs d'entreprise parce d'aujourd'hui. Parce qu'il estime qu'il en est la cause. Voilà, il estime qu'il en est la cause. Le simple mettre qu'il y soit corrélé suffit à justifier qu'on l'embauche à ce prix-là. Et on voit tout à fait le fait que la mise aux enchères de sa position pour ceux qui le peuvent change radicalement la façon dont les inégalités de revenus se construisent dans une société donnée. Donc oui, cet effet Pavarotti, cet effet Neymar est tout à fait, je crois, au cœur de la compréhension des mécanismes qui font qu'aujourd'hui les inégalités tendent à devenir la règle. Alors, on parle de cette scientificité supposée de l'économie. Si je prends l'exemple de la physique dite moderne, elle a commencé par une pensée spéculative. On théorise au-delà des données. Quand Galilée dit que tous les corps tombent à la même vitesse, c'est pas le résultat d'une observation. Parce que quand on fait tomber des corps de masse différentes, on voit qu'ils tombent à des vitesses différentes. Donc, il fait une sorte d'hypothèse qui est contradictoire avec les faits. Et ensuite, il va montrer que les faits doivent être réinterprétés, etc. Est-ce que cette activité existe chez les économistes? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des hypothèses? Est-ce qu'on parvient à les tester? Ou est-ce qu'on se contente d'essayer de comprendre les données telles qu'elles nous sont livrées? Ouais, c'est un peu de tout à la fois. C'est pas si clair. Je crois que les économistes raisonnent de manière hypothético-déductive. Mmh. C'est-à-dire qu'ils voient une situation, ils font un modèle. Et ce modèle, c'est presque une photographie théorique de ce qu'ils observent. Et donc le modèle ne va pas beaucoup plus loin que ce qu'ils observent à un moment donné. Mais à partir de ce modèle, par la pensée, ils font des simulations intellectuelles. Donc prenons ce modèle de Neymar. Quelles sont ses implications? Alors, j'avais une discussion avec un grand physicien, Claude Allègre, un grand géologue, Claude Allègre, bien connu parce qu'il a été ministre. Et il disait, dans une conférence où on était tous les deux, les clubs de foot sont devenus beaucoup trop chers, on a perdu ce côté populaire qui pouvait exister. Donc j'ai une proposition, disait-il, enfin j'espère que je ne vais pas écorcher et que s'il m'écoute, il considérera que je suis fidèle à ses propos. J'ai une proposition radicale, disait-il, c'est il faut supprimer le hors-jeu pour que les clubs de foot redeviennent populaires. Alors pourquoi, Claude? Comment ça marche? Il dit parce que si on supprime le hors-jeu, à ce moment-là, au lieu d'avoir des joueurs de foot qui n'arrêtent pas de remonter très haut et de revenir garder leur cage, on aurait des gens qui resteraient près de leur cage. Du coup, les joueurs seraient moins fatigués et il n'y aurait pas besoin d'un deuxième banc. Donc ça coûterait deux fois moins cher. Voilà ce que disait Alec. Je lui ai répondu. Des postes fixes. Voilà. Exactement. Et je lui ai répondu, Claude, ce que vous proposez va simplement doubler le salaire de ceux qui restent sur le terrain, puisque la rente de situation, elle est captée par ceux qui sont sur le terrain. Donc voilà un exemple de ce qu'un raisonnement donné permet de produire comme hypothèse. Maintenant, ça reste toujours conditionné au modèle de départ. Et je crois que les économistes de ce point de vue-là ne sont pas des scientifiques au sens où ils chercheraient une loi universelle. Ils savent que les lois du monde sont parfaitement changeables, mouvantes, qu'il n'y a pas de règles fixes. Ils doivent avoir l'humilité de reconnaître que leurs modèles sont construits à partir d'une situation donnée, que ça leur donne un certain pouvoir prédictif, mais très très limité, qu'ils doivent doivent constamment accepter l'épreuve des faits. Et quand on leur demande un jugement sur qu'est-ce qu'il faut faire ici aujourd'hui, ils doivent, comme un médecin qui s'opère à opérer, dire au mieux de mes connaissances, il faudrait faire ceci, mais ça n'est pas un résultat définitif, parce que il y a des ruptures qui font que les règles qui valaient avant ne valaient pas. L'exemple d'Einstein que vous citiez parfaitement éclairant, en effet, Einstein parle à un moment, les années 30, où en effet, la façon de penser des économistes, relativement à ce qui a pu être la leur au 19e siècle, dans la tradition d'Adam Smith et de Ricardo, va être complètement remis en cause par des paradoxes que Keynes va énoncer, qui va changer la façon de penser, mais qui elle-même va se heurter à ses propres limites, notamment dans les années 70, où le modèle keynésien va être à nouveau repensé. Donc on est toujours à la recherche d'un modèle qui résume une interprétation, une intuition, en sachant que ce modèle, par définition, il est toujours incertain et peut nous décevoir. Alors, un petit mot sur Baudelaire, il avait aussi proposé qu'on court en athlétisme le 1500 mètres en ligne droite pour éviter les injustices créées par les bousculades des virages. Alors donc, je l'ai vu à votre vous lui avez répondu. Non, j'ai lu ça dans un article du Monde, je crois. Ouais. Mais je reviens à ces hypothèses que les économistes formulent un peu comme tous les scientifiques, en fait. Est-ce qu'elles doivent être réalistes, ces hypothèses? Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de modèles économiques, d'après ce que j'ai pu lire, on suppose que les agents sont des acteurs rationnels. Alors qu'on sait qu'ils ne le sont pas, ils procrastinent, ils ne cherchent pas toujours à optimiser leurs profits. Et pourtant, dans les modèles, on continue à supposer qu'ils sont rationnels. Alors là encore, on a un changement de paradigme très important qui s'est fait au cours des 30 dernières années, dû notamment à deux psychologues, Daniel Kahneman et Amos Tversky. Kahneman a eu le prix Nobel, Tversky est mort avant de le recevoir, dans lequel ils ont créé une économie comportementale, dans lequel ils ont cherché à creuser cette intuition. Jusqu'où peut-on faire l'hypothèse de rationalité et par quoi la remplacer? Les économistes ont toujours, et je pense que c'est le propre au fond de tous les scientifiques, à lâcher un modèle sans être sûr qu'ils en ont un autre à leur disposition. Et le progrès s'est fait lorsque Kahneman a pu mettre en deux ou trois points ce qui faisait que l'homo economicus n'était pas l'homme rationnel que l'on croit. Et ces points sont vraiment très simples. Une aversion à la perte, alors que les économistes ne font pas de différence entre le gain et la perte. Je gagne plus 10, c'est le symétrique de perdre 10. Non, c'est pas du tout pareil. Gagner 10, ça vous donne 3 d'utilité. Perdre 10, ça donne moins 15 de perte. Donc cette aversion à la perte a beaucoup d'implications très importantes. Ce qu'on disait du paradoxe d'Easterlin, c'est-à-dire le fait qu'il y a un effet de contexte. Il la montre alors que les économistes, dans toute rationalité, n'ont pas de raison de faire que je choisis en fonction du contexte. Il a montré que l'effet de contexte était très important, que ce gain ou cette perte, elle se faisait par rapport à un point de référence. Je gagne ou je perds par rapport à un point de référence qui était lui-même considérablement mobile d'une situation à une autre et ainsi de suite. Donc il a aidé les économistes à repenser leur modèle. Alors la pénétration de ces nouvelles intuitions est en train de se faire pour comprendre notamment les crises financières. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la rationalité limitée. Un grand français, Xavier Gabex, qui était professeur à Harvard, a consacré beaucoup d'énergie à ça. D'ailleurs, en utilisant des modèles de physique, et je pense que ça va progresser. Et lorsqu'on pourra passer d'un paradigme à un autre, parce qu'on aura assez de sécurité sur ce modèle d'irrationalité ou d'économie comportementale, je pense qu'on y passera. Il est vraiment, pour revenir à lui, il est vraiment très étonnant, ce paradoxe d'Easterlin, parce que vous le dites dans votre livre. Enfin, le dernier qui s'appelle « Le monde est clos et le désir infini », vous dites que quand on demande à des millionnaires en euros combien il leur faudrait en plus pour être vraiment à l'aise, ils disent deux fois plus. Tous. Comme dit un smicard. Ouais, exactement. Alors que on voit bien l'argent et le bénéfice qu'un smicard pourrait tirer d'une telle augmentation de salaire, alors qu'on peut pas manger 10 fois par jour ni dormir dans 5 lits en même temps. Donc il devrait y avoir une sorte de saturation besoins quand les revenus n'ont même plus la capacité à être dépensés. Voilà, et ben non. Et moi, ce qui m'intéresse le plus. Comment on comprend ça? Bon, on le comprend par les deux mécanismes que j'ai dit. C'est-à-dire, on s'habitue à tout et on veut toujours plus. Et puis surtout, c'est pour le cas des milliardaires dont vous parlez. C'est évidemment millionnaire, c'est toujours relativement aux autres. C'est-à-dire qu'il a un bateau de 10 mètres, j'en veux un de 20 mètres. Et au fond, il n'y a pas de limite à l'envie. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce paradoxe d'Easterlin, en fait, d'une certaine manière, c'est vraiment lié au fond, peut-être à l'esprit de cette conversation, c'est que je pense qu'il joue aujourd'hui le rôle qu'a pu jouer dans les sociétés prémodernes, ce qu'on appelle la loi de Malthus. La loi de Malthus est très importante et au fond Malthus est le premier à énoncer une loi qui ressemble à une loi physique. Mathématique en tout cas. Mathématique et beaucoup influencé ses contemporains, les autres économistes classiques comme Ricardo et puis puis même Marx sera très influencé en réalité, même s'il n'avouera pas nécessairement de cette manière-là par la loi de Malthus. Que dit la loi de Malthus? Elle dit, en fait, chaque fois qu'une société trouve les moyens de mieux se nourrir, parce qu'il y a des techniques de production agricole qui sont plus sophistiquées que celles qu'on pouvait avoir auparavant, eh bien ça ne va pas permettre au bout d'un certain temps à cette société d'être mieux nourrie, ça va simplement permettre d'augmenter la démographie et donc d'avoir plus de gens. Et la loi de Malthus, c'est que dans l'histoire humaine, il n'y a pas eu d'augmentation du revenu par habitant, du nombre de calories absorbées par tête, mais une augmentation du nombre de têtes. Et pour lui, c'était une loi d'airain. Améliorer la situation des pauvres, il y en aura plus. Ils ne seront pas mieux nourris au bout du compte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette loi qui est simplissime, là pour le coup, on peut la comprendre. Vous améliorez la situation d'une société donnée, d'une région, c'est la démographie qui va reprendre d'une main ce que vous donnez de la première. On a longtemps cru que c'était une approximation, on a regardé dans le détail depuis quelques années. Les données, la taille des squelettes, le nombre de calories qu'on observe que des sociétés d'aborigènes encore vivantes absorbent relativement à ce qu'on sait être le niveau de vie d'un ouvrier au début du 19e siècle. Et on a vu que cette loi de Malthus était sans doute juste, rigoureusement juste. Ça veut dire que l'humanité, pendant 200 000 ans, ou en tout cas certainement depuis l'invention de l'agriculture, c'est-à-dire depuis 10 000 ans, a été habitée, conduite par une loi qu'elle ignorait. On ne peut pas améliorer la situation des gens parce que la démographie l'empêche. Alors, c'est un exemple passionnant pour deux raisons. D'abord, cette loi devient fausse à peu près au moment où on l'énonce. Parce que c'est au cours du 19e siècle qu'il y a ce qu'on appelle une transition démographique qui fait que la fertilité féminine va s'effondrer. Personne ne l'a prévu, et on sait comprendre a posteriori pourquoi, mais on n'avait juste pas prévu. Donc voilà une loi formidable, très simple, qui permet de couvrir 10 000 ans d'histoire, qui devient fausse au moment où on l'énonce. Et deuxièmement, c'est une loi très profonde, puisqu'au fond, c'est le destin de l'humanité qu'elle est en train de décrire, mais que sans doute personne n'avait compris. C'est ça qui fascinait Marx dans la loi de Malthus. Les lois s'imposent à l'insu d'une société donnée. Je reviens à Easterlin. Pour moi, c'est notre loi de Malthus. C'est-à-dire qu'on s'enrichit, mais au fond, ça change rien. C'est une loi simple, je vous l'énonce, je vous le dis, on refuse à l'admettre. Comme Malthus, au fond, a prêché dans le désert quand il a expliqué sa loi. On refuse de l'admettre. Mais quoi? Mais rends-moi plus riche. Mais ça ne changera rien, puisque si tu deviens plus riche, les autres le deviendront sans doute aussi. Et au bout du compte, tu seras ramené au point de départ. Donc on a ici, à ce que les économistes peuvent faire de mieux, énoncer un paradoxe et comprendre pourquoi ce paradoxe, même simple, même vérifiable, eh bien, ne change pas nécessairement les règles de fonctionnement, et en même temps pourquoi tout d'un coup on peut avoir une rupture, cette transition démographique qui fait que la règle devient fausse. Et moi, je pense que nos sociétés aujourd'hui qui sont dans une quête éperdue de richesse ont besoin d'une mutation comme cette transition démographique, de passer, pour le dire bêtement, de la quantité à la qualité, ne serait-ce que parce que le réchauffement climatique fait qu'on a besoin de prendre très sérieusement en compte les effets de cet enrichissement sur notre capacité Daniel à habiter cette planète. Je vous sens vraiment passionné et j'ai scrupule à vous interrompre. Allez. Mais il y a une règle d'airain, une loi dans cette émission, c'est qu'au bout de 20 minutes, on diffuse un morceau de musique que vous avez vous-même choisi. Alors ça va. C'est Leonard Cohen. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret, then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. vivre, signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Daniel Cohen, vous avez choisi Leonard Cohen, le partisan, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'il y a des raisons objectives ou est-ce que c'est simplement que vous êtes un fan ? J'ai un fan. Un fan, Leonard Cohen. Alors pourquoi cette chanson plutôt qu'une autre ? Non, j'ai hésité. Bon, je sais pas, là vraiment, j'ai pas plus réfléchi que ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Leonard Cohen m'accompagne depuis toujours. J'adore cette mélancolie, cette façon de se promener avec l'amour et la mort, pour reprendre le titre d'un film. Et il est décédé malheureusement il y a quelque temps, enfin il y a pas très longtemps. Et j'ai juste après que Bob Dylan a eu le prix Nobel, j'ai vraiment regretté, comme tous ses fans, qu'il n'ait pas partagé le prix Nobel. Enfin, il ne s'agit pas de le retirer à Bob Dylan, mais de partager avec Bob Dylan, parce que je pense que tous les deux ont écrit, tracé un sillon qui est incroyable pour les gens de ma génération. Alors revenons à l'économie. On ne va pas passer en revue tous les critères de scientificité, mais il y en a quand même un sur lequel j'aimerais avoir votre avis. On peut mesurer le taux de scientificité d'une activité de recherche au taux de controverse engendré dans la communauté qui la partage. Si on prend la physique, par exemple, tous les physiciens font les mêmes calculs pour obtenir, par exemple, la vitesse d'une particule. C'est la théorie de la relativité qui leur sert de modèle. Il n'y a pas de contestation. Alors que chez vous, si je vous lis, on voit qu'il y a des débats, des controverses, des conflits. Et il y a pourtant un prix Nobel, qui est le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, qui n'est pas vraiment un prix Nobel, mais considéré comme tel. Est-ce qu'il fait l'unanimité, comme font les prix Nobel dans les autres sciences, ou est-ce qu'il y a des critiques ? Quand on annonce un résultat, est-ce que la communauté des économistes reconnaît la légitimité du choix, ou est-ce qu'il y a des critiques ? Donc il y a toujours des critiques. Il y a eu des prix Nobel comme celui qui a été donné à Avelmo, par exemple. C'est un petit peu ridicule. Je crois qu'il avait le seul bénéfice que d'être norvégien. Il y a de grands économistes hétérodoxes, puisqu'il faut quand même faire la part. C'est très important pour comprendre ces controverses entre les économistes orthodoxes et les économistes hétérodoxes. C'est-à-dire ceux qui sont les hétérodoxes sont plutôt les héritiers, on va dire, d'une tradition marxiste. Les orthodoxes sont plutôt les héritiers d'Adam Smith ou de Keynes, pour le dire de cette manière-là. Keynes étant d'ailleurs un peu entre les deux camps. Et donc de grands économistes hétérodoxes comme une dame qui s'appelle John Robinson, qui était justement la collègue de Keynes, l'a jamais eu, ou Nicolas Kaldor, qui est un des grands penseurs des années 50 et 60, ne l'a pas eu non plus, parce qu'ils étaient manifestement trop à gauche pour les gens qui donnent le prix Nobel. Donc oui, il y a beaucoup de controverses. Je pense que ce qui fait que les économistes peuvent se reconnaître dans l'idée de la scientificité de leur discipline, en tout cas je crois pour l'écrasante majorité d'entre eux, c'est que tous admettent que les modèles ne peuvent pas avoir le dernier mot sur quelque sujet que ce soit, sont des constructions de l'esprit pour essayer de saisir une situation donnée. Je me parlais de photographie théorique à un moment donné, donc il y a pas, le modèle est fait pour coller à une vérité. Mais là où il y a scientificité, c'est dans la capacité de tester et de réfuter avec des données ce que le modèle dit ou ne dit pas. Et ça, c'est le point dans lequel les techniques économétriques qui se sont beaucoup développées, que les économistes ont beaucoup développées depuis 20 ou 30 ans, notamment avec la profusion des données qu'on a maintenant à notre disposition, permet au fond sur un objet, à condition qu'on le définisse bien, de se mettre d'accord. Si par exemple, je reprends votre exemple d'Einstein, je veux aujourd'hui proposer une théorie de la crise de 1929, eh bien normalement je peux la soumettre à un test empirique. Par exemple, Milton Friedman avait expliqué que la crise de 29 n'était pas keynésienne, c'est-à-dire c'était pas le comportement de consommation des ménages et qui était responsable de la crise, mais c'était la crise financière, la crise bancaire. Que c'était la faillite des banques qui avait expliqué pourquoi cette crise avait été aussi sévère. Il y avait une controverse entre les monétaristes qui pensaient que ça venait du financier et les keynésiens qui pensaient que ça venait du comportement de consommation et de la perte de revenus qui entraînait un effet multiplicatif. Il y a des tests très méticuleux qui ont été faits, qui ont donné le dernier mot à Friedman. C'est-à-dire qu'on a pu... Ils sont faits après coup. Comment ? Alors, c'est une capacité à rétrodire. C'est uniquement une capacité à rétrodire. C'est pour ça que les économistes doivent être modestes. Je peux comprendre la croissance économique du XXe siècle, ou plus exactement, je peux rejeter des hypothèses fausses sur ce qui en a été le moteur. Les grands théoriciens de la croissance disent ce qui a fait la croissance au XXe siècle, c'est pas les machines, c'est pas les hommes, c'est le progrès technique, des technologies. On peut les définir et on peut tester cette hypothèse. Mais est-ce que ça veut dire que ce progrès technique sera encore là au XXIe siècle? J'en sais absolument rien. Donc oui, l'objet de la science, ce qui fait que l'économie peut se construire comme une science, c'est toujours une rétro-interprétation d'un événement donné. Cette rétro-interprétation n'est pas sans conséquence. L'homme qui a démontré que Milton Friedman avait raison en expliquant que c'était les faillites bancaires qui avaient été responsables de la sévérité de la crise des années 30. C'est un bonhomme qui s'appelle Ben Bernanke, qui était professeur à Princeton. Ce bonhomme-là, par une espèce de hasard incroyable de l'histoire, se retrouve président de la Banque Centrale Américaine après le krach de 2007-2008. Il a sur les genoux la crise, le récit de la crise des années 30. Et il a tout fait pour empêcher qu'elle se répète. Donc il y a eu une erreur qui a été faite avec la faillite de Lehman, mais ensuite il a inondé de liquidités le système bancaire pour éviter une répétition de cette crise. Et d'une certaine manière, son intuition était la bonne. Ça mais peut-être que c'était pas ça le sujet cette fois-ci. Mais il a jeté toute son énergie intellectuelle. Il a tenu compte des leçons de l'histoire. Il a fait comme si c'était la même crise qui se répétait, et en l'occurrence, il a eu raison. Mais les Keynésiens, dans les années 70, ont cru que les années 70, avec la montée du chômage, répétaient la crise des années 30, qu'on était à nouveau dans une montée du chômage qui s'expliquait par les mêmes mécanismes que eux-mêmes avaient utilisés pour comprendre les années 30. Bah, pas de bol. Ils ont fait des relances dans les années 70, ça créait de l'inflation et pas une reprise de l'emploi, parce que c'était une crise d'une autre nature, c'était une crise de productivité, pour le dire comme ça, c'était une crise, en fait, classique du genre de celle que Malthus avait analysée. Donc, il y a toujours à un moment donné un jugement pour savoir quel modèle je dois utiliser. Au fond, le modèle, ça n'est rien d'autre qu'une manière de saisir une période. Est-ce que je répète les années 30? Est-ce que je répète les années 70? Et c'est pour ça qu'il y a des controverses entre les économistes, parce qu'il n'y aura jamais un moment où on pourra dire « mais la loi de la nature me dit que non ». C'est quelle est la période de référence qui me permet de réinterpréter cette période. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Daniel Cohen, je voudrais vous faire réagir à deux citations qui peut-être vont vous agacer, mais bon, c'est le jeu. Hein. Allez. La première, c'est que j'ai trouvé dans une interview de Michel Rocard qui date du printemps 2013. Il dit « Ma discipline, l'économie, est la plus ridicule des sciences modernes. Elle a cherché à travers la mathématisation à s'apparenter aux sciences dures. C'était idiot, car sa matière de base reste sociologique. » Donc vous dites ça parce que vous savez que j'ai été très proche de Michel Rocard et que c'est un des personnes... Vous connaissiez cette citation ? Je crois que j'avais lu, c'était dans une interview qu'il avait donnée au Point, un truc comme ça. Ouais. Mais il a tort. Il a fait tort. Non, je pense que le procès en mathématisation est vrai. C'est-à-dire que lorsque les économistes se laissent aller à penser que leurs modèles mathématiques sont justes parce qu'ils sont mathématiques, encore une fois, ils font un contresens absolu. Mais la mathématisation aide à penser des problèmes. Je prends cet exemple de la loi de Malthus. On peut écrire un modèle très simple qui permet de comprendre l'interaction entre les deux et qui permet d'aller plus loin que ce fait. Par exemple, un économiste qui s'appelle Kremer a montré qu'en fait, quand j'essaye de comprendre la manière dont la loi de Malthus a fonctionné dans l'histoire, ça va plus loin que ce que Malthus lui-même supposait, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que le taux de croissance de la population a tendance à croître avec le temps. C'est pas juste le taux de croissance est constant. Et ça lui a été suggéré par le petit modèle mathématique qu'il a essayé de faire pour comprendre ce que signifiait la loi de Malthus. Et à partir de là, on peut toujours essayer d'aller plus loin. Mais l'erreur des économistes, parfois, je crois que tous ne le font pas quand même, c'est de croire que parce que c'est mis en équation, ça donne une vérité. Bien sûr que non. C'est un instrument qui permet de synthétiser des choses. Vous lisez le livre de Keynes, qui est le grand livre du XXe siècle, la théorie générale de l'emploi de la monnaie. Franchement, vous pouvez le lire deux fois, je pense que vous ne comprendrez rien. On ne peut pas comprendre, qui est purement littéraire, il n'y a pas une équation. Il y a une équation dans tout le livre. Mais on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Si on essaie de le synthétiser, comme l'a fait ensuite un bonhomme qui s'appelle John Hicks, en deux ou trois équations, on comprend beaucoup mieux les interactions qu'il a. Donc c'est un peu comme voilà, l'art de bien utiliser l'instrument qu'est les mathématiques, puisqu'après tout, l'économie, c'est la science des nombres, c'est quelle richesse est créée par qui, par quoi, ça se met en équation, et il faut avoir toute la modestie requise pour ne pas faire un usage excessif de cette modélisation, en tout cas ne jamais s'en servir comme un argument d'autorité quand on discute avec qui que ce soit, commencer par discuter avec Michel Rocard, parce que c'est uniquement une espèce de façon de résumer des interactions, et à partir de là, de pouvoir discuter avec la société en oubliant l'étape intermédiaire qui nous a permis de faire le raisonnement. La seconde citation, Daniel Cohen, j'ai trouvé dans votre livre. Vous citez Bataille, Georges Bataille, dans La Part maudite. Et il me semble que ce qu'il dit est en contradiction à ce que vous venez de dire un peu plus haut. Vous avez dit, quand la loi est contredite par les faits, ben on change la loi, etc. Ouais. Ce que dit Georges Bataille, c'est à peu près ceci. Nous avons tendance à considérer que sont intangibles les règles que nous avons nous-mêmes créées. Et nous préférons aller au bout des sociétés qui les ont constituées plutôt que de les changer. Oui, donc il y a quand même une résistance du cadre théorique par rapport aux données. Oui, mais j'utilisais ça justement en illustration de la loi de Malthus, c'est-à-dire que c'est très très compliqué pour une société dont la démographie et la forme d'existence sociale ou autre, bien de le comprendre et de revenir. Et cette tentation qu'ont les sociétés aller au bout de leur logique avant d'en changer, c'est en effet ce qui est extraordinaire. Enfin, je parle à propos de la loi de Malthus, de quelque chose qui a sans doute prévalu pendant 10 000 ans. Bon, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en a changé sans véritablement comprendre pourquoi, en tout cas certainement pas au moment où on le faisait. Donc oui, il y a des ruptures imprévues, mais la tendance générale des sociétés, c'est plutôt d'aller au bout de la logique qui les porte. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens au paradoxe d'Easterlin, je pense qu'on va vivre encore très longtemps avant le paradoxe d'Easterlin, avant que la société se dise collectivement, mais est-ce qu'on est sûr qu'on veut tous travailler deux fois plus pour gagner, travailler deux fois plus pour gagner deux fois plus, en sachant qu'au bout du compte, d'abord, c'est vain du point de vue de notre bien-être et deuxièmement, ça met la planète en l'air. Il y a quelque chose qui est peut-être en train de se catalyser maintenant. On voit qu'il y a une réflexion à cause du réchauffement climatique au cours de ces questions, mais elle n'est pas acquise parce qu'en effet, on a plutôt tendance à persévérer dans son être social et c'est ça qui m'intéressait comme une illustration. Quand on lit vos livres, Daniel Cohen, on voit que vous parlez beaucoup d'économie, mais vous mobilisez aussi beaucoup d'autres savoirs en ethnologie, en histoire. Même en psychologie, ouais, même en psychanalyse, vous citez Freud à plusieurs reprises. Ouais. Et donc, on a l'impression qu'il y a un savoir constitué qui est colossal. Et est-ce qu'à votre avis, si les sociétés qui sont les nôtres ne vont pas très bien, c'est parce que on n'en sait pas encore assez pour être intelligent et agir correctement? Ou est-ce que c'est parce que nous ne tenons pas assez compte de ce que nous savons? C'est un peu un mélange des deux. Moi, je pense d'abord qu'il y a, pour le coup, pour raisonner en économiste, c'est très difficile de comprendre les externalités politiques, morales et économiques des actions que nous menons nous-mêmes. Je prends ma voiture, je vais créer un embouteillage, je vais arriver en retard. Comprendre que la solution rationnelle pour la société dans son ensemble, c'est d'abolir la voiture, c'est très très difficile. Il y a des intérêts composés. Et ça, pour le coup, les économistes l'ont vu aussi. C'est très très difficile d'admettre les conséquences de son acte. Et une des définitions d'ailleurs que les économistes donnent du populisme, c'est justement des slogans politiques qui refusent de voir les conséquences de ce qu'ils disent. Donc c'est, exemple, Trump qui dit « je vais faire du protectionnisme ». Il crée en fait, en faisant ça, s'il le faisait, un effet en cascade qui pourrait être catastrophique pour les États-Unis eux-mêmes, qui ont été les premiers bénéficiaires de la mondialisation. Donc, ils ne voient que l'effet au premier ordre. Je supprime la concurrence des Chinois. Ils ne voient pas l'effet du deuxième ordre, qui est que, du coup, les Américains... Ils ne voient pas les effets des effets. Les effets des effets. Et c'est une espèce de biais cognitif, pour le coup, que les économistes doivent prendre en compte. Donc, il y a un passage très simple, intellectuellement à penser, très, très compliqué dans le monde réel, de passer de la compréhension du premier ordre des effets aux effets des effets, et d'avoir la rationalité collective de vos propres actions. Ensuite, il y a de la rationalité limitée. Je vis dans un monde où j'ai besoin d'être dans ma zone de confort. Je sais que, en voulant m'enrichir, je vais trouver ma place dans la société. Pourquoi je renoncerais à ça? Ça va au-delà de la compréhension des effets d'externalité. C'est simplement la manière, mon habitus, pour parler au fond comme Bourdieu, qui fait que je vais mourir pour cette cause-là, m'enrichir pour les uns, publier un théorème pour les autres. Et c'est très, très difficile de passer d'un paradigme intellectuel d'un habitus à un autre, et c'est tout ça. Alors je comprends pourquoi vous avez mis en exergue de votre livre le monde est clos et le désir infini, encore une phrase de Bataille, extraite de La Part maudite: la méconnaissance par l'homme des données matérielles de sa vie le fait errer gravement. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça que vous voulez dire. Oui, exactement. C'est-à-dire que on est. Je pensais ça en fait quand j'avais commencé ce livre. Pour tout vous dire, j'avais vraiment en tête d'essayer d'arriver à la question du réchauffement climatique, et donc je voulais mettre en garde contre toutes les erreurs qu'on a faites dans l'histoire à s'aveugler à ça. Et puis Et on développe des arguments pour ne pas croire ce qu'on sait. Voilà. On fait exactement ce biais de cognition très classique, et qu'on cherche toujours à persévérer dans ses idées a priori. Et tout ça est bien documenté aussi. On écarte les idées qui ne vous conviennent pas pour persévérer dans vos croyances initiales, parce que ces croyances organisent un système de pensée, d'existence, auquel il est très très difficile de renoncer. Ce à quoi on ne renoncera pas, c'est au deuxième morceau de musique. Alors, j'ai pas consulté mes notes, je sais pas de quoi il s'agit. On va l'écouter, puis vous nous direz. Paco de Lucía, je pense. Daniel Cohen, est-ce que je dois inférer de ce choix que vous avez fait que vous dansez le flamenco? Tout à fait. C'est une inférence scientifique. Non, elle serait fausse, non. Mais j'adore Paco de Lucía, c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup marqué il y a plusieurs années. Et j'adore ce mélange entre la musique rock et le flamenco, c'est juste tout à fait extraordinaire. Pour continuer sur cette question de savoir si l'économie est une science, j'ai trouvé un texte de Jean Tirole, prix Nobel récent en économie, qui dit ceci. L'économie est redevenue une science très ouverte car aujourd'hui elle retrouve ses racines des 18e et 19e siècles, proches des autres sciences sociales et humaines. Avant de publier La richesse des nations, Adam Smith avait écrit un livre remarquable intitulé La théorie des sentiments moraux. Les psychologues d'aujourd'hui le jugeraient sans doute naïf. Mais à l'époque, cet ouvrage avait été jugé révolutionnaire. Depuis, l'économie a construit son identité autour des mathématiques et d'un certain nombre de techniques. Maintenant, elle revient vers les autres sciences par le biais de la psychologie et d'autres sciences sociales. C'est l'ouverture dont vous parliez. Oui, tout à fait. Le livre d'Adam Smith, La théorie des sentiments moraux, est exactement, en fait, dans l'esprit d'Easterlin dont on parlait tout à l'heure, hein, puisque qu'est-ce que c'est que le but de l'homme, selon ce livre d'Adam Smith, c'est de chercher la sympathie des autres, de capter leur attention, au fond, d'exister comme être social. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que le même Adam Smith va expliquer dans une enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, il va expliquer tout simplement exactement le contraire, qui est qu'une société ne peut pas compter sur la bienveillance des gens et doit uniquement compter sur leur intérêt. Et on appelle ça le problème Adam Smith. Amartya Sen a beaucoup réfléchi à ça, mais on a effectivement un chasme entre Adam Smith de la théorie des sentiments moraux et le Smith de la richesse des nations. Et en effet, les économistes ont basculé dans le deuxième Adam Smith et remontent progressivement avec Easterlin, avec tout ce qu'on vient de dire sur l'économie comportementale, vers le premier Adam Smith en essayant de comprendre l'unité cachée de l'œuvre d'Adam Smith. C'est vraiment tout à fait la discussion qu'on a eue autour du paradoxe d'Easterlin. Alors, il y a trois sujets qui ont été largement débattus pendant la campagne présidentielle de 2017. L'affaire des robots, est-ce qu'il faut les taxer? La question du revenu universel. Et puis, auparavant, il y avait la question de l'inversion, soi-disant, de la courbe du chômage. Expression désastreuse, puisque, comme vous le savez, une courbe ne peut pas être inversée. Mais bon, passons sur ce détail. Est-ce que la science économique est unanime sur ces choses? Et j'imagine que non, mais quels sont les arguments des uns et des autres pour dire, par exemple, qu'il faut taxer les robots, ou au contraire, qu'il faut ne pas les taxer? Et même question à propos du revenu universel. Oui, alors c'est un très bon exemple, justement, de la difficulté qu'ont les économistes à trancher une question ici et maintenant, quand elle se pose. La question de l'homme et du robot, c'est une question très ancienne, c'est tout simplement la question de l'homme et de la machine. Ricardo, un des grands économistes contemporains de Malthus, avait écrit un chapitre sur la machine et l'homme, d'ailleurs, dans lequel il marquait lui-même sa propre hésitation. Et au fond, le raisonnement est très simple. Est-ce que la machine remplace l'homme? Et auquel cas, c'est pas une bonne nouvelle pour l'homme. Si la machine coûte 100 euros à construire, eh bien, le salaire de l'homme pourra pas excéder 100 euros, parce qu'on lui préférera une machine. Ou est-ce que l'homme, la machine et l'homme sont dans une relation plutôt de complémentarité, c'est-à-dire la machine a besoin de l'homme qui devient plus productif et qui permet en réalité à l'homme de gagner davantage. Voilà, les termes de la question sont extrêmement simples. Et on peut dire que au cours des deux derniers siècles, c'est la thèse optimiste. La machine sert l'homme, lui permet de devenir plus productif et donc de gagner davantage, qui l'a emporté. C'est ce que Marx ne voyait pas, il était plutôt convaincu par l'autre explication, et c'est ce qui explique que les salaires ouvriers, dont Marx pensait qu'ils allaient stagner, un peu à la manière de Malthus, ont en réalité été multipliés par 10 au cours des deux derniers siècles. Mais le raisonnement potentiel est toujours là. Est-ce qu'on est sûr que la machine sera toujours complémentaire de l'homme, un levier pour l'homme qui lui permettra d'être plus productif? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certaines machines, pour certains types de travaux, ne deviennent pas rivaux, substituables, et donc, pour le coup, créent une déflation salariale? Et au fond, on est en plein dans cette incertitude. On voit bien que Internet, on voit bien que les nouvelles technologies permettent à certains d'être beaucoup plus productifs que d'autres. Vous-même, vous pouvez envoyer des messages aux quatre coins de la Terre, donner des instructions si vous êtes chef d'entreprise à beaucoup de gens, vous devenez plus productif. Mais il y a des emplois dans lesquels les machines font purement et simplement le travail de ces personnes qui auparavant, eh bien, de leurs mains, fabriquaient les produits dont on parlait. Et je crois que la vraie question, c'est là peut-être que les économistes peuvent aider à éclairer le débat, c'est pas de savoir si en généralité les machines remplacent l'homme ou pas. C'est plutôt de savoir quels sont les types d'emplois qui vont être remplacés par les machines, quels vont être les types d'emplois où les machines vont aider, ou peut-être quels sont les types d'emplois dans lesquels les machines n'iront pas, parce que mais les la réponse à cette question est très culturelle. Non, parce que ça se mesure statistiquement. Mais on n'y répond pas de la même façon au Japon et en France, par exemple. L'usage du robot n'a pas du tout la même... C'est vrai, mais quand même, on voit apparaître des règles un peu générales dans tous les pays industrialisés, au-delà de leurs différences, qui permettent d'avoir aujourd'hui, je dirais, des idées beaucoup plus claires qu'il y a 10 ans, c'est une recherche en cours, sur les effets des machines sur les emplois. Quels sont les types d'emplois qui sont menacés? Et il y a une convergence, mais encore une fois, qui ne sera jamais totale, il faut peut-être encore un siècle de données, bon, et peut-être que dans 50 ans, on aura un jugement très précis sur ce qui se passe aujourd'hui, comme aujourd'hui, on a un jugement très précis sur ce qui s'est passé, par exemple, dans les années 70, qui était elle-même mystérieuse à l'heure contemporaine. C'est que les emplois qui sont menacés par Internet sont les emplois de la classe moyenne. C'est ça qui est neuf. Avant, on pensait que c'était les emplois non qualifiés qui allaient être faits par des machines. Non, en fait, les emplois, on va dire, peu qualifiés, les emplois de service à la personne, les emplois où on va s'occuper des personnes âgées, sont des emplois qui survivent. Même si, vous avez raison, dans le cas du Japon, c'est là que les robots sont les plus utiles. Donc, c'est même pas une loi universelle. Mais on voit que c'est les emplois dans l'administration, dans les banques, dans les assurances, qui sont menacés par l'informatisation de la société. Et c'est ça qui peut-être permet d'expliquer pourquoi les classes moyennes perdent du terrain, se révoltent, et pourquoi nos sociétés démocratiques sont menacées, comme les emplois, par une polarisation nouvelle. Tout en haut de l'échelle, c'est bon d'avoir des ordinateurs. En bas, on continue de faire des emplois où jamais un ordinateur ne pourra se substituer à l'être humain qui vient s'occuper d'une personne âgée. Au milieu, il y a un danger. C'est ça que vous voulez dire quand vous écrivez les salaires vont en haut et les emplois vont en bas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les salaires tout en haut, c'est l'effet Pavarotti, peuvent augmenter considérablement. En bas, il y a une masse considérable d'emplois qui ne sont pas menacés par les robots parce que pour l'instant, on a besoin d'humains pour les faire, les emplois de service à la personne, notamment, même encore l'éducation jusqu'à une très large mesure, la santé, toutes ces choses-là. Il y a encore besoin d'humains, peut-être que ça changera, mais c'est vraiment le danger aujourd'hui, il est au milieu, c'est pour la classe moyenne. Alors même ce résultat qui est presque incontesté aux États-Unis, il est très clair, il est contesté dans le cas de la France. Est-ce que la classe moyenne française est en train de perdre du terrain ou pas? Ça se discute, mais je crois que là, on a une manière de rentrer dans un débat où les économistes, bon, presque par définition, peuvent être très utiles à condition qu'ils échappent aux règles générales, qu'ils acceptent que cette question de la machine et de l'homme doit être constamment repensée pour bien suivre la trace des effets de la mécanisation et de la numérisation aujourd'hui. Mais est-ce qu'à votre avis, Daniel Cohen, l'économie, en fait, de façon indirecte, nous dirait quelque chose de ce que nous pensons être le bonheur? C'est-à-dire une sorte d'explication des comportements humains, du rapport à autrui, du rapport à l'argent, du rapport au bien? Moi, je pense que les économistes, avec toutes ces discussions sur le paradoxe d'Easterlin, ont progressé dans la compréhension de ce qu'est le malheur. Le malheur, en tout cas tel que les économistes le mesurent, à travers toutes ces histoires dont on a parlé, c'est toujours une séparation. On est très malheureux, en tout cas ça se mesure statistiquement, et on peut le comprendre, quand on perd quelqu'un, on divorce, on perd un être cher parce qu'il meurt, on perd son emploi. Ça, c'est quelque chose qui devient très solide, on le comprend. Donc tout ce qui est une séparation est une source de malheur, asymétrique relativement au gain que pourrait donner la continuation de cette expérience. Le bonheur, je crois que les économistes, pas plus que les autres, ne savent en parler. Et moi, j'aime renverser cette phrase célèbre de Tolstoï, au début d'Anna Karénine, dans lequel il dit les couples heureux le sont tous de la même manière, et les couples malheureux le sont chacun à leur façon. Je pense que c'est exactement l'inverse. On est tous malheureux de la même manière. C'est toujours l'expérience d'un deuil, d'une séparation. Quant à être heureux, bah pour les uns, ce sera d'avoir une conversation avec vous. Pour d'autres, ce sera chasser des papillons. Et on trouve chacun difficilement sa voie vers le bonheur. Mais la souffrance, oui, on la connaît. Et c'est peut-être le cœur du paradoxe des sociétés modernes. Si on accepte cette chose simple, encore une fois, je crois, au fond, simple à comprendre et bien documentée, que ce sont les séparations qui rendent malheureuses, on vit dans une société paradoxale. Parce qu'on vit dans une société où la règle est devenue la séparation. Les emplois ne durent plus. Les couples ne durent plus. Les enfants partent de leur maison, de la maison de leurs parents. Ils l'ont toujours fait. Et donc, on le sait, on le vit et on ne peut rien y faire. Et ça fait partie des choses. Mais est-ce qu'il y a une explication scientifique, je veux dire une explication économique, si l'économie est une science, au pessimisme français? Alors, bien parce sûr. Que les Français sont en termes de séparation, les Français sont pas plus atteints que les Allemands ou les Anglais. Non, c'est vrai. Mais l'envers de la séparation, alors c'est le côté positif du bonheur, c'est de faire confiance aux autres. Et là, il y a des travaux qui ont été faits par les Français mes font amis, ils font pas confiance. Et des travaux qui ont été faits par mes amis Yann Algan et Pierre Cahu, qu'on a d'ailleurs publié dans mon centre de recherche, le CEPREMA, qui s'appelle la Société de Défiance, dans lequel ils documentent ce fait. Les Français ont un niveau de confiance en leurs voisins qui est à peu près celui des Vénézuéliens, très très loin des Chinois ou des Américains. Est-ce que vous faites confiance à quelqu'un dans la rue? Non. Et puis c'est vérifié, c'est montré. Le Reader's Digest avait fait une expérience dans laquelle il avait laissé un portefeuille avec l'adresse de la personne et on regardait le taux de retour. Ils avaient fait ça dans une trentaine de villes. À Stockholm, le portefeuille revient avant même qu'il soit tombé, d'une certaine manière. En France, il ne revient pas. On est dans une société où le rapport à autrui est très très très compliqué. Et la question, c'est pourquoi? Et ils y apportent une réponse. Ils disent que ça vient de l'époque de la collaboration dans les années 40, où les Français ont perdu collectivement confiance en eux-mêmes à ce moment-là. Alors, on peut rajouter la décolonisation ensuite, si vous voulez, mais il y a un moment de l'histoire de France, entre les années 40 et 50... On avance que d'un cran, parce qu'il faut expliquer pourquoi les Français sont comportés comme ça. Ils ont perdu la guerre. Pourquoi ils ont perdu la guerre? Il faut laisser les militaires parler. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on peut dater dans l'histoire qui fait que le pessimisme français n'est pas intrinsèque à la culture française. Il apparaît à un moment donné. Et cette question de confiance est très intéressante parce que ça explique aussi beaucoup de pathologies. On est en train de réformer le droit du travail aujourd'hui. Personne ne se fait confiance. Chacun veut des garanties. Dans les pays scandinaves, qui sont le modèle de la confiance absolue, enfin même presque niais vu de France, les syndicats de patrons et d'employeurs, a priori, partent de l'hypothèse que l'un ne va pas chercher à trahir l'autre, et donc on peut construire des accords coopératifs plus fiables. On a cette difficulté en France. Le simple mot de collaboration en France s'entend mal. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. J'avais une autre question à propos de la rétroaction dont on a parlé dans votre livre. Vous montrez quelle a été l'évolution au cours des âges du PIB dans des sociétés données. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer le PIB d'une société très ancienne, par exemple de la Rome antique? Oui. Alors bon, il y a des spécialistes. Il y a l'indice de Maurice, d'après ce que j'ai compris. Oui. Alors il y a l'indice de Maurice qui a ajouté de manière plus ou moins empirique le nombre de calories, de nombre de gens, de je ne sais plus ce qu'il a. Il a aussi les capacités guerrières d'une société. Oui. Voilà. Il ajoute à Dia un certain nombre de choses. Un autre économiste qui s'appelle Madison, un économiste hollandais qui est décédé il y a une dizaine d'années, a fait vraiment des travaux historiques très très intéressants de longue période, et là il regarde vraiment presque tout simplement le nombre de calories absorbées par les gens et il calcule ce nombre de calories à partir de toutes sortes d'indicateurs qui en donnent la mesure, et comme à 90% les sociétés étaient rurales à l'époque, il a un PIB bon à 90%. Après, il prend les 10% de gens qui ne sont pas dans l'agriculture et donc qui ne se laissent pas mesurer par le nombre de galeries. Et il fait, je sais pas s'il prend la taille des cathédrales ou des choses comme ça, mais il rajoute un petit moignon pour avoir la part du PIB qui n'est pas strictement agricole. Donc on sait faire des choses comme ça. Et là encore, les progrès de la science économique, pour l'appeler science brièvement, c'est vraiment dans cet effort de plus en plus têtu, constant, de mesurer les choses. C'est quelque chose depuis 30 ans, grâce au progrès de l'informatique aussi, de la capacité de stocker des données, qui avait véritablement pris le pas sur la profession, et ça je trouve que c'est tout à fait bon. Vous dites qu'on, enfin, vous n'êtes pas le seul pour le coup à dire que nous vivions une révolution industrielle sans croissance. Une sorte de contradiction dans les termes. Est-ce qu'elle est comprise? Certains parlent de stagnation séculaire. Est-ce que c'est la même chose? Alors oui, ce sera après, a priori à peu près la même chose, c'est la même idée. Et c'est là qu'on est en pleine controverse. Il y a vraiment des économistes qui vous disent bah, c'est fini, on a atteint le point de rendement décroissant, nos sociétés ont pris... Mais il y a beaucoup de choses qui stagnent, en effet, les vitesses de déplacement, voilà, exactement. Les records sportifs. Voilà, exactement. Le grand pessimiste en chef s'appelle Robert Gordon, il vit à Chicago, il dit bien souvent à Paris, je suis désolé, il faut exactement le même temps pour faire Chicago-Paris que quand j'étais jeune. Les progrès ne visent pas à faire plus de choses, mais au fond à économiser et donc à être plus à gérer en quelque sorte mieux les externalités négatives en termes de moins de bruit, ils font moins de bruit, donc ça permet qu'il y en ait plus, mais ils vont pas plus vite, il y en a plus, et donc au fond les progrès aujourd'hui à suivre ce Gordon, c'est simplement gérer mieux les embouteillages. Il y a trop de bagnoles, on met trop de temps pour aller d'un point A ou un point B. Les progrès de l'informatique vont vous permettre de réduire ça. Bon, je pense que c'est une partie de la réalité, mais qu'elle n'épuise pas le problème. Je crois que le vrai problème, c'est celui qu'on a abordé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pans entiers de la société qui ne bénéficient pas du progrès technique, et on voit bien que bah, s'il n'y a que 10% de la société qui bénéficie du progrès technique, c'est simple, le progrès technique aura un effet sur la croissance 10 fois plus faible qu'il n'aurait si 100% de la société pouvait en bénéficier. Et je pense que c'est cette asymétrie aujourd'hui des effets du progrès technique sur la population dans son ensemble qui explique pourquoi la croissance est plus faible. Mais au fond, je n'en sais rien. On est obligé, à partir de ce qu'on a vu, de ce qu'on mesure, de faire un diagnostic qui est suspendu au fond, à l'humeur de celui qui l'énonce. On a toujours établi une sorte de corrélation religieuse entre le progrès et la croissance. Et donc, s'il n'y a plus de croissance, que devient l'idée de progrès? Alors, c'est évidemment toute la c'est question. C'est un peu le sens du titre de votre livre. Oui, bien sûr. Je pense que l'idée de progrès, a surgi au XVIIIe siècle, on va dire, pour simplifier, peut-être un tout petit peu avant. C'est une idée neuve, pour parler comme Saint-Just, mais l'idée de progrès dans la philosophie des Lumières n'est pas une idée de progrès matériel. C'est un progrès moral. La perfectibilité dont parle Rousseau, c'est de mieux se comporter moralement les uns. Chez Rousseau, mais chez Condorcet, il y a de la technique. Il y a les techniques, il y a l'idée de l'éducation, mais je pense que même chez Condorcet, l'idée d'éducation en tant qu'elle permet de conforter, on va dire, la rigueur morale des personnes joue un rôle tout à fait important. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ni Rousseau ni Condorcet n'avaient prévu la révolution industrielle qui était en train de se produire. Et je crois que la grande bifurcation de cette idée de progrès, elle tient au fait qu'au XVIIIe siècle, on énonce une idée du progrès qui va être mise en pratique au XIXe siècle sous une forme tout à fait différente de celle à laquelle on pensait au XVIIIe siècle. La forme dans laquelle cette idée de progrès va se mettre en pratique, à l'œuvre dans nos sociétés au XIXe siècle, c'est l'idée de croissance matérielle. Or, ce qui va se passer, c'est que la société industrielle, en réalité, je crois, marque un retour en arrière à une société hiérarchique du genre de celle qu'on a connue dans les sociétés d'ancien régime pour se mettre en œuvre. Les Lumières ont l'idée d'une société d'autonomie, d'épanouissement, de passage à l'âge adulte, pour parler comme Kant. Et la société industrielle va infantiliser les travailleurs, c'est-à-dire qu'on va leur retirer, en tout cas avec le fordisme, avec le taylorisme, on va leur retirer leur capacité d'autonomie. Donc, cette marche vers le progrès matériel va s'accompagner, je crois, d'une régression par rapport à l'idéal d'autonomie, d'épanouissement, de liberté, qui était celui des Lumières. Et nous sommes peut-être, et ça c'est, on va dire, toute la séquence du 19e et du 20e siècle, nous sommes peut-être dans une nouvelle séquence. Il y a un grand sociologue qui s'appelle Engelhardt, qui dit c'est seulement maintenant qu'au fond on revient à l'idéal des Lumières et où l'idéal d'autonomie, d'indépendance peut reprendre de la vigueur relativement au mode d'organisation des sociétés industrielles qu'on a connu depuis 2 siècles. Le problème, c'est que cet idéal d'autonomie est devenu une exigence économique aujourd'hui. Il faut être autonome, il faut être créatif, et donc on est passé d'une certaine manière d'un monde d'émancipation à un monde de mise en concurrence qui détruit, invalide en quelque sorte l'espoir qui a nourri la philosophie des Lumières dans ce domaine. Daniel Cohen, pour terminer, j'ai une petite anagramme pour vous. Ouais. Enfin, l'anagramme de la crise économique. Alors, allez-y. Le scénario comique. Très bien. Je vous remercie d'être venu nous expliquer que l'économie n'est pas une science certaine, mais c'est une certaine science. Voilà. Merci à vous. Merci. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Jacques Hubert et à la réalisation François Connac. Vous avez de la chance car vous allez retrouver dans quelques instants Christophe Onodibio pour le temps des écrivains, à ne pas confondre avec le teint des écrivains.